إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On continue le tafsir, la lecture du tafsir de Sourate Al-Jin, qui est une sourate mécoise, comme on l'a vu lors du dernier cours. Et on s'est arrêté à la parole d'Allah Azza wa Jal en parlant des djinns. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا تَرَائِقَ قِدَدًا. Qui est le verset 11 de Surat Al-Jin, dans lequel Allah Azza wa Jal dit son le sens en parlant des djinns lorsqu'il dit: et il y a parmi nous des vertueux et d'autres qui le sont moins. Nous étions divisés en différentes sectes. قال الشيخ السعدي رحمه الله: وأن منا المسلمون ومنا دون ذلك أي فساق وفجار وكفار كنا طرائق قددا أي فرقا متنوعة وأهواء متفرقة كل حزب بما لديهم فرحون. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا أي وأنا في وقتنا الآن تبين لنا كمال قدرة الله وكمال عجزنا تبين لنا كمال قدرة الله وكمال عجزنا وأن نواصينا بيد الله فلن نعجزه في الأرض ولن نعجزه إن هربنا وسعينا بأسباب الفرار والخروج بأسباب الفرار والخروج عن قدرته لا ملجأ منه إلا إليه وأن لما سمعنا الهدى وهو القرآن الكريم الهادي إلى الصراط المستقيم وعرفنا هدايته وإرشاده أثر في قلوبنا فآمنا به ثم ذكروا ما يرغب المؤمن فقال: فمن يؤمن بربه إيمانا صادقا فلا يخاف بخسا ولا رهقا أي لا نقصا ولا طغيانا ولا أذى يلحقه وإذا سلم من الشر حصل له الخير فالإيمان سبب داع إلى حصول كل خير وانتفاء كل شر. وأن منا المسلمون ومنا القاسطون أي الجائرون العادلون عن الصراط المستقيم فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا أي أصابوا طريق الرشد الموصل لهم إلى الجنة ونعيمها وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وذلك جزاء على أعمالهم لا ظلم من الله لهم فإنهم وأن لو استقاموا على الطريقة المثلى لأسقيناهم ماء غدقا أي هنيئا مريئا ولم يمنعهم ذلك إلا ظلمهم وعدوانهم لنفتنهم فيه أي لنختبرهم فيه ونمتحنهم ليظهر الصادق من الكاذب ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا أي من أعرض عن ذكر الله الذي هو كتابه فلم يتبعه وينقد له بل غفل عنه ولها يسلكه عذابا صعدا أي شديدا بلغا. الشيخ السعدي جي رحمه الله dans la parole d'Allah Azza wa Jalla en parlant des djinns, wa inna minna as-salihuna wa minna duna dhalik. Il y a parmi nous des vertueux et d'autres qui le sont moins. C'est-à-dire qui sont pervers et mécréants. C'est-à-dire que parmi les djinns, il y a des bons, des vertueux, comme il y a des mauvais. Kunna tara'iqa qidada. Nous étions divisés en différentes sectes, c'est-à-dire en différents groupes. Et nous étions tous des passions qui étaient dispersées. Chaque groupe était fier de ce qu'il possédait. Puis Allah Azza wa Jal dit en parlant des djinns, « Wa anna dhananna an lan nu'jiza Allah fil ardi wa lan nu'jizahu haraba » Nous pensions bien que nous ne saurions jamais réduire Allah à l'impuissance sur la terre et que nous ne saurions jamais le réduire à l'impuissance en nous enfuyant. Ici, cela a été traduit par « nous pensions bien ». Or, « avran » ici, il a le sens de « yaqin », c'est-à-dire « nous avions la certitude ». C'est-à-dire, nous étions persuadés. Que signifie ce verset à Cheikh Saadi rahimahullah dit, c'est-à-dire que maintenant, la vérité nous est apparue et la parfaite capacité d'Allah Azzawajal nous est apparue, ainsi que notre parfaite incapacité et que nos toupets sont entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, rien n'est impuissant face à Allah subhanahu wa ta'ala. Rien sur terre, Allah azza wa jal, rien sur terre ne rend Allah impuissant. Et comme l'ont dit les djinns, وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا. On ne peut se sauver. C'est-à-dire que et nous ne saurions jamais le réduire à l'impuissance en nous sauvant. C'est-à-dire qu'ils avaient la certitude, les djinns, qu'ils ne pouvaient se sauver d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme l'a dit Cheikh Saadi, car rien ne sort de la capacité du pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا مَلْجَأَ مِنْهُ إِلَّا إِلَيْهِ. Et on ne peut se sauver de lui qu'en allant vers lui. On ne peut se sauver d'Allah qu'en allant vers Allah. وَأَنَّ لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى. Et lorsque nous avons entendu la guidée, qui est le Coran, qui est le Saint-Coran, qui guide vers le droit chemin. Et lorsque nous avons entendu la guidée, qui est le Coran, qui guide vers le droit chemin, nous avons alors pris connaissance du droit chemin et des bonnes choses à laquelle il appelle, et cela a eu un impact sur nos cœurs. فَآمَنَّا بِهِ. Nous avons alors cru en lui, c'est-à-dire au Coran. Car on a vu que les djinns, lorsqu'ils ont écouté la lecture du prophète sallallahu alayhi wa sallam du Coran, ils se sont rapprochés de lui et ont avoué du caractère exceptionnel et magnifique du Coran. Et ils se sont rendus compte du bien et de la guidée contenue dans le Coran, et cela les a amenés à croire en ce Coran. فَآمَنَّا بِهِ. Puis, Cheikh Saadi dit, puis ils ont cité, c'est-à-dire les djinns, ce qui motive le croyant lorsqu'ils ont dit فَمَا يُؤْمِن بِرَبِّهِ. Et celui qui croit en son Seigneur, c'est-à-dire une croyance véridique, فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا. Il ne craindra alors ni une diminution de récompense, ni une oppression. C'est-à-dire, comme le dit Cheikh Saadi, c'est-à-dire que celui qui croit en Allah Azza wa Jal, d'une croyance véridique, ne saurait connaître une diminution de la récompense, ni un mal qui pourrait le toucher. Et lorsqu'une personne est préservée d'un mal, eh bien le bien lui parvient. Et la foi est une des causes qui permet d'obtenir le bien et d'être épargné du mal. Puis les djinns ont dit « Wa anna minna al-muslimuna wa minna al-qasitun » Et il y a parmi nous les musulmans et il y a parmi nous al-qasitun, ceux qui ont dévié. Comme l'a dit Cheikh Sa'di, al-ja'irun, ceux qui ont dévié, al-adilun an-sirat al-mustaqim, ceux qui ont dévié du droit chemin. فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوُ رَشَدًا Et ceux qui se sont convertis à l'islam sont ceux qui ont cherché la droiture. C'est-à-dire, ce sont eux qui ont trouvé le droit chemin qui les amènera au paradis et à ses délices. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا Et quant à ceux qui ont dévié, ils seront le combustible de l'enfer. Ceci, en guise de rétribution selon les actes qu'ils ont commis, et ce n'est en aucun cas une injustice de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car, comme l'a dit Allah Azza wa Jalla par la suite, وَأَلَّوْ إِسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ Car s'ils s'étaient maintenus dans le droit chemin, dans le chemin exemplaire, nous nous les aurions abreuvés d'une eau abondante. C'est-à-dire que nous leur aurions donné une eau fluide et bonne. Et ils n'ont été privés de cela qu'à cause de leur injustice et le fait qu'ils aient contredit la vérité afin de les éprouver par cela de les éprouver par quoi afin de les éprouver, c'est-à-dire par cette eau, afin de les tester et ainsi de connaître le véridique du menteur. Car Allah Azza wa Jal donne les bienfaits afin de voir celui qui va être reconnaissant vis-à-vis de ses bienfaits de celui qui va être ingrat. Ainsi, l'on peut, Allah Azza wa Jal éprouve ses serviteurs par le bien, mais éprouve aussi ses serviteurs par le mal, mais éprouve également ses serviteurs par le bien. Allah Azza wa Jal éprouve par le mal, par des choses dures et difficiles, afin de voir si le serviteur va être reconnaissant envers Allah Azza wa Jal, s'il va accepter la prédestination et le décret d'Allah Azza wa Jal et s'il va en être satisfait et également il éprouve par le bien en donnant au serviteur en élargissant au serviteur les choses de cette vie d'ici-bas afin de voir s'il sera reconnaissant ou si au contraire il sera ingrat s'il va utiliser ses bienfaits dont Allah Azza wa Jal l'a comblé pour se rapprocher de lui ou bien pour lui désobéir لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا Et quiconque se détourne du rappel de son Seigneur, il l'achemine vers un châtiment sans cesse croissant. C'est-à-dire que celui qui se détourne du rappel d'Allah, qui est son livre, et ne le suit pas et ne se soumet pas à lui, mais est insouciant vis-à-vis de ce Coran et est distrait vis-à-vis de lui, alors Allah l'acheminera vers un châtiment sera extrêmement douloureux et qui ne cessera d'être croissant. ثم قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا Et les mosquées sont consacrées à Allah. ni invoquez donc personne en dehors de lui. قال الشيخ السعدي أي لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة فإن المساجد التي هي أعظم محل العبادة مبنية على الإخلاص لله والخضوع لعظمته والاستكانة لعزته وأنه لما قام عبد الله يدعوه أي يسأله ويتعبد له ويقرأ القرآن كاد الجن من تكاثرهم عليه أن يكونوا عليه لبدا أي متلبدين متراكمين حرصا على سماع ما جاء به من الهدى قل لهم يا أيها الرسول مبينا حقيقة ما تدعو إليه إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا أي أوحده وحده لا شريك له وأخلع ما دونه من الأنداد والأوثان وكل ما يتخذه المشركون من دونه قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا فإني عبد ليس لي من الأمر ولا من التصرف شيء. Puis le Cheikh Saadi rahimahullah dit dans l'explication de la parole d'Allah Azza wa Jalla dans le verset 18 wa anna al-masajida lillah fala tad'u ma'a Allah ahada, et les versets qui suivent. Allah Azza wa Jalla dit wa anna al-masajida lillah fala tad'u ma'a Allah ahada wa annahu lamma qama 'abdullah yad'uhu kadu yakununa 'alayhi libada قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. Allah Azza wa Jalla dit selon le sens, et quand le serviteur d'Allah, qui est ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'est mis debout pour l'invoquer, pour invoquer Allah, ils, c'est-à-dire les djinns, faillirent se ruer en masse sur lui en vue d'écouter la récitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis Allah Azza wa Jalla dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit, je n'invoque que mon Seigneur et ne lui associe personne. Dit, je ne possède aucun moyen pour vous faire du mal, ni pour vous mettre sur le droit chemin. Cheikh Saadi rahimahullah dit dans l'explication du 19e verset, et les mosquées sont consacrées à Allah, n'y invoquez donc personne avec lui. C'est-à-dire, ni l'invocation de l'adoration, ni l'invocation de la demande. Car les mosquées sont les endroits d'adoration les plus immenses. Des mosquées qui sont basées sur la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala, basées sur la soumission que doit avoir le musulman et le serviteur d'Allah devant l'immensité d'Allah, Subhanahu wa ta'ala, et l'apaisement également devant la puissance d'Allah Azza wa Jal. Et ici, Cheikh Saadi cite ni l'invocation de l'adoration, ni l'invocation de la demande. Dua al-ibadah wa dua al-mas'ala. Quelle est la différence entre les deux? Qu'est-ce que l'invocation de l'adoration? Et l'adoration, ça fait référence à toutes les adorations qu'on peut réaliser comme la prière. Naam, ahsant. Mais pourquoi est-ce que c'est appelé adoration? Pourquoi est-ce qu'on dit l'invocation de l'adoration? Donc les savants disent du'a al-mas'ala wa du'a al-ibada. Donc l'invocation est de deux sortes. Il y a du'a al-ibada, qui est l'invocation de l'adoration. Et les savants disent cela englobe toutes les adorations que le musulman fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit la prière, que ce soit la zakat, que ce soit le hajj, que ce soit le fait de faire preuve de bonté envers ses parents, etc., etc. Toutes les adorations que tu fais, qui te rapprochent d'Allah azza wa jal, entrent dans la première catégorie des invocations, qui est l'invocation de l'adoration. Et la deuxième type d'invocation, qui est celle la plus connue des gens, qui est l'invocation de la demande. Lorsque tu demandes, tu exprimes une demande à Allah subhanahu wa ta'ala. comme lorsque tu dis oh Allah, fais-moi entrer dans ta miséricorde, Allahumma ghfirli, oh Allah, pardonne-moi, Allahumma rahamni, oh Allah, accorde-moi tel bien de cette vie d'ici-bas, oh Allah, fais-moi entrer au paradis, oh Allah, épargne-moi de l'enfer. Ça, c'est l'invocation appelée dua al-mas'ala, l'invocation de la demande, donc du besoin. Tu as besoin de quelque chose, tu le demandes à Allah. Et dua al-ibadah, l'invocation de l'adoration, pourquoi est-ce qu'elle est appelée ainsi? Car les savants ont dit, entre autres, Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, que lorsque tu demandes à cette personne qui adore Allah, qui prie, qui jeûne, etc., pourquoi est-ce que tu fais cela? Il te répondra, je le fais en espérant la récompense d'Allah et en m'éloignant de son châtiment. Et j'espère qu'Allah Azzawajal me récompense. Donc, cette adoration qu'il fait, c'est, comme l'a dit Cheikh Al-Uthaymin, c'est une dua, c'est une invocation, bilisani halihi. Comment traduire lisan halihi en arabe? En arabe, lorsque on dit lisan ul maqal ou lisan ul hal. Lisan ul maqal, c'est, par exemple, je dis je suis véridique. Donc là, j'ai exprimé le fait que je suis véridique par ma langue. Mais tu peux aussi exprimer ta véracité par des actes. Comme par exemple, tu as pris un engagement et tu l'as tenu, tu as respecté cet engagement. Donc, ce respect de ton engagement prouve ta véracité. Donc ici, on dit « lisanu halihi », c'est-à-dire sa situation prouve que il est véridique. Et s'il le dit ouvertement, donc il l'a dit par sa langue, là on dit « lisanu al-maqal ». Et lisan al-hal, si on traduit textuellement, ça veut dire la langue donc, qui s'exprime par la voix, par une parole, et le fait de s'exprimer par ses actes. Et ici, du'a al-ibadah, l'invocation de l'adoration, c'est une invocation qui est exprimée par les actes, car tu adores Allah Azzawajal pour te rapprocher de lui, en espérant sa récompense. Donc c'est une demande que tu fais. Donc tu adores Allah Azzawajal pour demander sa récompense. Donc ici, Cheikh Saadi dit, et les mosquées sont consacrées à Allah, n'invoquez donc personne en dehors d'Allah. Et ici, invoquer implique les deux. Que ce soit la demande, lorsque tu dis « Oh Allah » ou que ce soit une adoration, tout ce qui est fait dans les mosquées doivent être entièrement consacrés à Allah subhanahu wa ta'ala. Et notamment, vous connaissez l'interdiction de vendre ou d'acheter dans une mosquée. Le professeur sallam nous enseignait de dire à celui que l'on voit vendre ou acheter dans la mosquée « La arbahallahu tijaratak » que Allah fasse que ton commerce ne soit pas fructueux. Pourquoi? Car al-masajid ma buniyat li hada, car les mosquées n'ont pas été construites pour cela. Or, les mosquées sont un endroit où il y a beaucoup de monde. Donc, cela attire les commerçants. Ils savent que, voilà, si cela n'était pas interdit, les gens poseraient leurs marchandises au sein même de la mosquée 10 minutes avant la prière, en sachant que des dizaines, voire des centaines, voire des milliers de personnes seront là dans quelques minutes. De même que l'on n'utilise pas la mosquée pour retrouver un objet perdu. Celui qui a perdu une chose à l'extérieur, eh bien il sait qu'à la mosquée il y a du monde, il va venir pour demander est-ce que telle ou telle personne aurait vu cet objet que j'ai perdu ou cet animal qui s'est égaré ou autre. Les mosquées n'ont pas été construites pour cela. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ. Et quand le serviteur d'Allah, c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, s'est mis debout pour invoquer Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire pour invoquer Allah et se rapprocher de lui, et lorsqu'il a lu le Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lu le Coran, et à ce moment, les djinns faillirent se ruer vers lui, sur lui, en masse. C'est-à-dire les djinns, de par leur grand nombre, ont failli se ruer sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'ils se sont entassés et qu'ils se sont accumulés autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'ils voulaient entendre la guidée par laquelle il est venu. Puis Allah Azza wa Jal a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit, c'est-à-dire dis-leur, ô prophète, pour leur montrer la réalité de ce à quoi tu appelles. إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا. Je n'invoque que mon Seigneur et ne lui associe personne. C'est-à-dire que je l'adore seul, sans ne rien lui associer. Et que je délaisse toute autre divinité et statue et tout ce qui est pris comme divinité par les polythéistes en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis Allah Azza wa Jal dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit « قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا » dit « Je ne possède aucun moyen pour vous faire du mal ni pour vous mettre sur le droit chemin. » C'est-à-dire que je suis un serviteur et rien ne m'appartient ni dans le commandement ni dans la gestion. Ni dans le commandement ni dans la gestion. ثم قال تعالى قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit son le sens, dit, c'est-à-dire dit au Muhammad, vraiment personne ne saura me protéger contre Allah et jamais je ne trouverai de refuge en dehors de lui. Je ne puis que transmettre une communication et des messages émanant d'Allah. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager aura le feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. Puis, quand ils verront ce dont on les menaçait, ils sauront lesquels ont les secours les plus faibles et lesquels sont les moins nombreux. Dis, c'est-à-dire dis au Muhammad, je ne sais pas si ce dont vous êtes menacé est proche ou bien si mon Seigneur va lui assigner un délai. C'est lui qui connaît le ghaïb, l'invisible, et il ne dévoile son ghaïb à personne, sauf à celui qu'il agrée comme messager parmi les humains et qu'il fait précéder et suivre de gardes vigilants, afin qu'ils sachent, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal sache, s'ils ont bien transmis les messages de leur Seigneur, ils cernent de son savoir ce qui est avec eux et dénombrent exactement toutes choses. قال الشيخ السعدي رحمه الله أي لا أحد أستجير به ينقذني من عذاب الله وإذا كان الرسول الذي هو أكمل الخلق لا يملك ضرا ولا رشدا ولا يمنع نفسه من الله شيئا إن أراده بسوء فغيره من الخلق من باب أولى وأحرى ولن أجد من دونه ملتحدا أي ملجأ ومنتصرا إلا بلاغا من الله ورسالاته أي ليس لي مزية على الناس إلا أن الله خصني بإبلاغ رسالته ودعوة الخلق إلى الله وبهذا تقوم الحجة على الناس ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا وهذا المراد به المعصية الكفرية كما قيدتها النصوص الأخرى المحكمة وأما مجرد المعصية فإنه لا يوجب الخلود في النار كما دلت على ذلك آيات القرآن والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة وأئمة هذه الأمة. Donc dans l'explication de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dit « Vraiment personne ne saura me protéger contre Allah et jamais je ne trouverai de refuge en dehors de lui. » C'est-à-dire que personne que je ne me réfugie auprès de personne pour me protéger du châtiment d'Allah. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est la créature la plus parfaite, ne peut ni faire du mal, ni guider sur le droit chemin, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas protéger sa propre personne contre Allah si Allah lui voulait un mal, alors autre que lui parmi les créatures, autre que lui sallallahu alayhi wa sallam parmi les créatures sont d'autant plus concernés par cela. وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا et jamais je ne trouverai de refuge en dehors de lui. C'est-à-dire que jamais je ne trouverai de refuge et de protecteur et de secoureur en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc qui parle ici? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'adresse à qui? Au djinn. Illa balagham min Allah wa risalatih. Sauf que je ne fais que transmettre une communication et des messages émanant d'Allah azawajal. C'est-à-dire que je n'ai de particularité par rapport aux gens que le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'ait choisi pour transmettre son message et pour appeler les gens à Allah afin que la preuve soit présente contre eux. Puis Allah Azza wa Jalla dit: وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. Et celui qui désobéit à Allah et quiconque désobéit à Allah et à son envoyé, alors à lui le feu de l'enfer dans lequel il y restera éternellement à jamais. Et Cheikh Saadi rahimahullah dit: et ce qui est voulu ici, c'est-à-dire par la désobéissance, c'est la mécréance, comme cela a été clairement cité dans de nombreux autres textes, que ce soit des versets ou des hadiths. Car certains ont considéré que ce verset était une preuve contre, qui soutenait leur égarement, notamment Al-Khawarij, qui disent que celui qui commet un grand péché sort de l'islam. Et ils utilisent pour preuve ce verset dans lequel Allah Azza wa Jalla dit: celui qui désobéit à Allah restera éternel à Allah et à son envoyé, alors à lui le feu éternel. Or, ne reste éternellement en enfer que les non-musulmans. Et donc, ils ont utilisé ce verset pour preuve que celui qui désobéit à Allah, quelle que soit cette désobéissance, lorsque c'est un grand péché, eh bien, il sort de l'islam. Or, cela est faux, comme l'a dit Cheikh Saadi, car ce verset, il faut le comprendre comme l'ont expliqué d'autres versets qui sont explicites. Quant à la désobéissance, qui n'est pas de la mécréance, eh bien, elle n'implique pas le fait de rester éternellement en enfer, comme cela est prouvé dans de nombreux versets du Coran et dans de nombreux hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et cela fait même l'objet de l'unanimité des pieux prédécesseurs de cette communauté et des imams de cette communauté. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la tajtami'u ummati ala dalalah, que ma communauté ne peut se réunir et avoir un consensus sur une chose égaré, sur un égarement. Donc lorsqu'il y a un ijma' des musulmans sur un consensus des musulmans sur une chose, cela ne peut être que vérité et droiture. Et l'ijma' fait partie des preuves qui sont reconnues en islam. En islam, il y a le Qur'an, le sunnah et l'ijma' et le consensus et l'unanimité des savants de l'islam. ثم قال الشيخ السعدي رحمه الله حتى إذا رأوا ما يوعدون أي شاهدوه عيانا وجزموا أنه واقع بهم فسيعلمون في ذلك الوقت حقيقة المعرفة من أضعف ناصرا وأقل عددا حين لا ينصرهم غيرهم ولا أنفسهم ينتصرون وإذ يحشرون فرادا كما خلقوا أول مرة قل لهم إن سألوك فقالوا ما متى هذا الوعد إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا أي غاية طويلة فعلم ذلك عند الله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا من الخلق بل انفرد بعلم الضمائر والأسرار والغيب إلا من ارتضى من رسول أي فإنه يخبره بما اقتضت حكمته أن يخبره به وذلك لأن الرسل ليسوا كغيرهم فإن الله أيدهم بتأييد ما أيده أحدا من الخلق وحفظ ما أوحاه إليهم حتى يبلغوه على حقيقته من غير أن تتخبطهم الشياطين ولا يزيد فيه أو ينقص ولهذا قال فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا أي يحفظونه بأمر الله ليعلم بذلك أن قد أبلغوا رسالات ربهم بما جعله لهم من الأسباب وأحاط بما لديهم أي بما عندهم وما أسروه وأعلنوه وأحصى كل شيء عددا. Donc le Cheikh Saadi rahimahullah dit en explication du verset 24 et le verset qui suivent حتى إذا رأوا ما يوعدون puis quand ils verront ce dont on les menaçait. Donc lorsque ceux qui ont désobéi à Allah et à son envoyé verront ce dont on les menaçait, c'est-à-dire lorsqu'ils le verront de leurs propres yeux et lorsqu'ils auront la certitude que ce châtiment dont on les menaçait les enveloppera, فسيعلمون, ils sauront, c'est-à-dire qu'à ce moment-là ils sauront réellement من أضعف ناصرا وأقل عددا, lesquels ont les secours les plus faibles et lesquels sont les moins nombreux. À ce moment où personne ne pourra les sauver, c'est-à-dire du châtiment d'Allah, et ils ne pourront pas eux-mêmes se sauver, ils seront ressuscités seuls comme le jour où ils ont été créés la première fois. Et ici, pour mieux comprendre cette parole d'Allah Azza wa Jal, فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا, ils seront lesquels ont les secours les plus faibles et lesquels sont les moins nombreux. Je vais vous citer la parole de l'imam Ibn Kathir dans son tafsir qui explique plus en détail ce verset. Il dit, رحمه الله, تهديد ووعيد للكافرين بسبب استهزائهم بالمؤمنين. فقد حكى القرآن عن الكفار أنهم قالوا نحن جميع منتصر, وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. Donc il dit, رحمه الله, ceci est une menace d'Allah Azzawajal envers les... C'est une menace, une réprimande envers les non-musulmans, les kuffars, qui ce sont moqués des croyants. Et le Coran nous rapporte les paroles de ces kuffars qui se sont moqués des croyants en disant « Nahnu jami'un muntasir » « Nous formons un groupe fort et nous vaincrons. » Donc qui a dit cela ? Les kuffars aux musulmans. Et ils ont dit aussi, comme Allah Azza wa Jalla nous le dit, وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ. Et ils ont dit, nous avons plus d'argent et d'enfants, c'est-à-dire que vous, et nous ne serons pas châtiés. Donc ici, ils se sont vantés de deux choses. La première, qu'ils formaient un groupe fort et qu'ils vaincront. Donc ici, cela prouve la force et la puissance. Et dans l'autre verset, ils ont utilisé leur quantité. Nahnu aktharu amwalan wa awlada. Nous avons plus de biens et plus d'enfants. Et ainsi, nous ne serons pas châtiés. Donc, et Allah Azza wa Jalla dans ce verset de Sourate Al-Jin, il dit فسيعلمون. Ils seront من أضعف ناصرا وأقل عددا. Donc si eux ils se vantent d'être forts et de vaincre, et s'ils se vantent d'être nombreux, eh bien en disant cela, ils se sont moqués des croyants en prétextant que ces croyants étaient faibles, qu'il n'y avait personne pour les secourir et qu'ils étaient peu nombreux comparés à eux. Et ici Allah Azza wa Jal a dit dans ce verset فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا. Ils sauront, c'est-à-dire lorsque le châtiment les touchera, lesquels ont les secours les plus faibles et lesquels sont les moins nombreux. Comme l'a dit l'imam Ibn Kathir فَسَيَعْلَمُونَ حِنَئِذٍ مَنْ أَضْعَفُ جُنْدًا وأقل عددا أهم المؤمنون كما يزعم هؤلاء الكفار أم أن الأمر سيكون على العكس لا شك أن الأمر سيكون على العكس وهو أن الكافرين في هذا اليوم سيكونون في غاية الضعف والذلة والهوان. Il dit رحمه الله ils seront, c'est-à-dire à ce moment, qui est le plus faible et qui est le moins nombreux? Est-ce les croyants comme le prétendent les mécréants, ou est-ce que la réalité sera totalement contraire? Nul doute que les choses seront contraires à ce que les mécréants prétendaient, et cette chose est que les mécréants ce jour-là seront extrêmement affaiblis et ils seront frappés d'une humiliation et d'une bassesse. Est-ce que c'est clair ? قل. Puis Cheikh Saadi continue l'explication. قل إن أدري أقريب ما توعدون. Le verset 25. Dis, c'est-à-dire dis-leur au Muhammad, s'il te demande en disant à quand cette menace ? À quand cette menace ? Dit, je ne sais pas si ce dont vous êtes menacé est proche, ou bien si mon Seigneur va lui assigner un délai. C'est-à-dire, est-ce que le moment sera long ou pas ? Car cette science est détenue par Allah seul. C'est Allah qui sait quand ces kuffars seront châtiés. Et beaucoup de ceux qui ont mécréant leur prophète ont demandé à leur prophète de faire venir le châtiment. Où est ce châtiment que tu prétends, etc., etc. Et Allah Azza wa Jal dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il te demande, dis-leur que je ne sais pas, que cela ne fait pas partie des choses que je connais et que c'est une science détenue par Allah Subhanahu wa ta'ala seul, alimul ghaib fala yudhhiru ala ghaibihi ahada. C'est lui qui connaît l'invisible et il ne dévoile ces choses invisibles à personne, c'est-à-dire parmi ses créatures. Mais Allah Azzawajal est celui qui a la connaissance, qui est le seul à avoir la connaissance des pensées intérieures, des secrets et de l'invisible. Illa man irtada min rasul. Exception faite à cela, sauf à celui qu'Allah Azzawajal a agréé comme messager. Dans ce cas, comme le dit Cheikh Saadi, Allah Azzawajal informera ce messager de ce que la sagesse divine considérera bonne à informer. Ceci car les prophètes ne sont pas comme les autres. Allah subhanahu wa ta'ala soutient ses prophètes comme il n'a jamais soutenu d'autres créatures. Et Allah subhanahu wa ta'ala préserve ce qu'il leur révèle jusqu'à ce qu'il le transmette comme il se doit, sans que les diables ne viennent troubler cette révélation et sans qu'ils ne puissent ni ajouter à celle-ci, ni la diminuer. Pour cela qu'Allah Azza wa Jalla a dit par la suite, فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا, et qu'il fait précéder et suivre de gardiens vigilants. Il fait précéder et suivre, c'est-à-dire la révélation. De gardiens vigilants qui protègent le commandement d'Allah. لِيَعْلَمَ, afin qu'Allah Azza wa Jalla sache par cela qu'ils ont bien transmis le message de leur Seigneur, de par les causes qu'Allah Azza wa Jalla a accordées aux prophètes pour le faire. وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ, et il cerne de son savoir ce qui est avec eux, c'est-à-dire ce qu'il y a avec eux et ce qu'ils cachent comme ce qu'ils montrent. وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا, et Allah dénombre exactement toute chose. ثم قال الشيخ السعدي رحمه الله وفي هذه السورة فوائد كثيرة, et il y a dans cette sourate de nombreuses morales à retirer, de nombreuses morales à tirer. منها وجود الجن وأنهم مكلفون مأمورون مكلفون منهيون مجازون بأعمالهم كما هو صريح في هذه السورة. La première chose que l'on retient de cette sourate, c'est l'existence des djinns. Car certains ne croient pas en l'existence des djinns. Et que ces djinns sont responsables que des ordres leur sont donnés et des interdits leur sont également donnés. Et ils seront rétribués selon leurs actes, comme cela est clairement dit dans cette sourate. وَأَنَّ مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ. Ensuite, فَمَنْ. نعم. Donc ici dans les versets où Allah Azza wa Jalla dit وَأَنَّ مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. Ce qui prouve cela, c'est la parole d'Allah Azza wa Jalla, il y a parmi nous des musulmans, ceux qui se sont convertis, et d'autres qui ont dévié. Quant à ceux qui se sont convertis, ce sont eux qui ont choisi le droit chemin, et quant à ceux qui ont dévié, alors ils seront pour l'enfer un combustible. Donc cela prouve que les djinns, des ordres leur sont donnés, des interdits leur sont également donnés, et qu'ils seront rétribués selon leurs actes. S'ils étaient dans le droit chemin, alors ils seront récompensés, et s'ils ont désobéi, ils seront alors châtiés et feront partie des combustibles de l'enfer. ومنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول إلى الجن كما هو رسول إلى الإنس, فإن الله صرف نفر الجن ليستمعوا ما يوحى إليه ويبلغوا قومهم. La deuxième chose est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est également le prophète pour les djinns, prophète sallallahu alayhi wa sallam est un prophète pour les hommes et pour les djinns. De la même façon que c'est un prophète pour les djinns, de la même façon que c'est un prophète pour les hommes, c'est également un prophète pour les djinns. Et Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé ce groupe de djinns pour qu'ils entendent ce qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam et afin d'en avertir leur peuple. Afin que les djinns avertissent leur peuple et qu'ils appellent leur peuple à l'islam après avoir entendu ces paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَمِنْهَا ذَكَاءُ الْجِنِّ وَمَعْرِفَتُهُمْ بِالْحَقِّ وَأَنَّ الَّذِي سَاقَهُمْ إِلَى الْإِيمَانِ هُوَ مَا تَحَقَّقُوهُ مِنْ هِدَايَةِ الْقُرْآنِ وَحُسْنِ أَدَبِهِمْ فِي خِطَابِهِمْ. On retient également de cette sourate l'intelligence des djinns et leur connaissance de la vérité. Car ce qui les a amenés à croire en l'islam est ce qu'ils ont découvert de la guidée du Coran et également le bon comportement qu'ils ont eu dans leurs paroles. ومنها اعتناء الله برسوله وحفظه لما جاء به فحين ابتدأت بشائر نبوته والسماء محروسة بالنجوم والشياطين قد هربت عن أماكنها وأزعجت عن مراصدها وأن الله رحم به الأرض وأهلها رحمة ما يقدر لها قدر وأراد بهم ربهم رشدا فأراد أن يظهر من دينه وشرعه ومعرفته في الأرض ما تبتهج له القلوب وتفرح به أولو الألباب وتظهر به شعائر الإسلام وينقمع به أهل الأوثان والأصنام. Également, ce qu'on retient de cette sourate est l'importance que donnait Allah subhanahu wa ta'ala à son prophète sallallahu alayhi wa sallam et la préservation de ce avec quoi il est venu. Et lorsque les signes annonciateurs de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam commençaient à apparaître, les cieux ont été protégés par les étoiles. Et ici, cela nous explique cette chose mystérieuse qu'ont soupçonné les djinns. On l'a vu dans le cours dernier. Inna la nadri asharun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada. Nous ne savons pas si c'est un mal qui est voulu pour les gens de la terre ou si leur Seigneur leur veut un bien. Quand les djinns ont dit ça? Lorsqu'ils ont constaté que les cieux étaient protégés et lorsqu'ils ne pouvaient plus écouter les informations du ciel comme ils pouvaient le faire auparavant. Et lorsqu'ils s'approchaient, eh bien, ils étaient menacés par des météores. Et le fait que la terre, que le ciel ait été protégé par des météores, cela a laissé penser les djinns que soit une chose mauvaise allait toucher les gens sur terre, ou soit leur Seigneur leur voudra un bien et une guidée. Et quelle est la réponse ? Qu'Allah leur veut la guidée, car ces cieux ont été protégés lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est devenu prophète, afin de protéger la révélation. Et donc c'est ce qu'on retient également de cette sourate, que lorsque les signes annonciateurs de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam apparaissaient, eh bien les cieux ont été protégés par les étoiles, car les étoiles ont pour fonction d'embellir le ciel, de guider et de se repérer sur terre, et également de protéger le ciel. Et les diables, ainsi les diables se sont éloignés de l'endroit où ils se plaçaient. Et Allah subhanahu wa ta'ala a voulu faire miséricorde aux gens de la terre d'une façon démesurée. Et Allah azza wa jal veut pour eux la guider et veut que sa religion soit apparente et qu'elle soit connue sur terre. Une religion qui réjouira les cœurs et rendra heureux les doués d'intelligence. Ainsi, les préceptes de l'islam seront apparents et s'y soumettront, c'est-à-dire à ces principes de l'islam, ceux qui adoraient les statues et les divinités. Donc tout ceci, Allah Azza wa Jal l'a fait. Le fait qu'il s'est occupé de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il lui ait donné de l'importance, qu'il ait préservé sa révélation, tout cela pour, en guise de miséricorde pour ces créatures parmi les djinns et les humains, afin que la religion d'Allah nous parvienne de façon authentique, non falsifiée, sans ajout ni diminution. ومنها شدة حرص الجن لاستماع الرسول صلى الله عليه وسلم وتراكمهم عليه. On retient également de cette sourate la grande motivation qu'avaient les djinns à écouter le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le fait qu'ils s'entassaient les uns au-dessus des autres pour écouter ces paroles de guider. ومنها أن هذه السورة قد اشتملت على الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك وبينت حالة الخلق وأن كل أحد منهم لا يستحق من العبادة مثقال ذرة لأن الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم إذا كان لا يملك لأحد نفعا ولا ضرا بل ولا يملك لنفسه علم أن الخلق كلهم كذلك فمن الخطأ والغلط اتخاذ من هذا وصفه إلها آخر مع الله. Et également, on retient de cette sourate que cette sourate englobe l'ordre et le commandement de mettre en pratique le tawhid et interdire le shirk. Cette sourate est venue nous montrer également la situation des créatures et que chaque créature ne mérite en rien d'être adorée. Car le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne peut ni faire de mal ni apporter un bien. Plus encore, il ne peut pour soi-même, donc il ne peut pour autrui ni apporter un bien ni épargner d'un mal. Plus encore, il ne le peut même pas pour lui-même. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne pouvait même pas pour lui-même apporter un bien ou s'épargner d'un mal. Et cela est clair dans le verset où Allah Azza wa Jal cite que le professeur Sam a dit qu'il ne trouverait de protecteur et de protecteur autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. لَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا. Ainsi, si nous savons cela concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien nous savons que toutes les créatures sont comme cela. Eh bien, pire encore, sont faibles et incapables. Ainsi, c'est une erreur de prendre ceux qui ont des caractéristiques comme celle-ci, à savoir de ne pouvoir ni apporter un bien ni éloigner un mal. C'est une grave erreur de prendre ces créatures comme des divinités avec Allah subhanahu wa ta'ala. ومنها أن علوم الغيب قد انفرد الله بعلمها فلا يعلمها أحد من الخلق إلا من ارتضاه الله وخصه بعلم شيء منها. Et la dernière chose que l'on retient de cette sourate est que la science de l'invisible est une science détenue par Allah Azza wa Jal uniquement. Personne parmi les créatures n'en a connaissance, sauf ceux qu'Allah Azza wa Jal a agréé et a spécifié d'une partie de cette science, d'une partie de cette science de l'invisible. Tamma tafsiru surati qul uhiya ilay wa lillahi alhamd. Ainsi se termine l'explication de surat qul uhiya ilay, dit il m'a été révélé, et la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. On va entamer le tafsir de surat al-Muzammil, qui est traduit par sourate l'enveloppé. Dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala dit: Ya ayyuhal muzammil, qum al-layla illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila, aw zid 'alayhi wa rattil al-Qur'ana tartila, inna sanulqi 'alayka qawlan thaqila. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا. Il dit subhanahu wa ta'ala selon le sens: ô toi Muhammad, l'enveloppé, c'est-à-dire dans tes vêtements, lève-toi, c'est-à-dire pour prier, toute la nuit excepté une partie, sa moitié ou un peu moins, ou un peu plus, et récite le Coran lentement et clairement. Nous allons te révéler des paroles lourdes. Certes, la prière pendant la nuit est plus efficace et plus propice pour la récitation. Tu as dans la journée à vaquer à de longues occupations, à de longues occupations, et rappelle-toi le nom de ton Seigneur et consacre-toi totalement à lui. Le Seigneur du levant et du couchant, nul ne mérite d'être adoré en dehors de lui, prends-le donc comme protecteur. Et endure ce qu'ils disent, et écarte-toi d'eux d'une façon convenable, et laisse-moi avec ceux qui crient au mensonge et qui vivent dans l'aisance, et accorde-leur un court répit. يقول الشيخ السعدي رحمه الله: المزمل المتغطي بثيابه كالمدثر. وهذا الوصف حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أكرمه الله برسالته وابتدأه بإنزال وحيه بإرسال جبريل إليه فرأى أمرا لم ير مثله ولا يقدر على الثبات له إلا المرسلون فاعتراه في ابتداء ذلك انعزاج انزعاج حين رأى جبريل عليه السلام فأتى إلى أهله فقال زملوني وهو ترعد فرائصه ثم جاءه جبريل فقال اقرأ فقال ما أنا بقارئ فغطه حتى بلغ منه الجهد وهو يعالجه على القراءة رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة فقرأ صلى الله عليه وسلم ثم ألقى الله عليه الثبات وتابع عليه الوحي حتى بلغ مبلغا ما بلغه أحد من المرسلين فسبحان الله ما أعظم التفاوت بين ابتداء نبوته ونهايتها ولهذا خاطبه الله بهذا الوصف الذي وجد منه في أول أمره فأمره هنا بالعبادات المتعلقة به ثم أمره بالصبر على أذية أعدائه ثم أمره بالصدع بأمره وإعلان دعوتهم إلى الله فأمره هنا بأشرف العبادات وهي الصلاة بآكد الأوقات وأفضلها وهو قيام الليل. الشيخ سعدي رحمه الله دي المزمل l'enveloppé, celui qui est recouvert de ses vêtements, comme Al-Muddathir, que l'on verra dans Surat Al-Muddathir, qui est la surat suivante, celui qui est revêtu d'un manteau. Et ceci Cette description a eu lieu du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a gratifié de son message. Et lorsque cette prophétie a commencé par la descente de la révélation en l'envoyant vers lui Jibril alayhi salam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors vu ce qu'il n'a jamais vu de semblable. Une chose, il a vu une chose que nul ne peut supporter autre que les prophètes. Cela l'a, au début, cela l'a énormément troublé lorsqu'il a vu Jibril alayhi salam. Il est alors retourné chez sa famille, chez sa femme, et a dit « Recouvrez-moi, recouvrez-moi. » Alors que trembler, al-fara'is, c'est le pluriel de farisa. Et al-farisa en arabe, c'est un muscle qu'il y a entre la poitrine et l'épaule, qui tremble lorsque la personne est terrifiée. Et c'est une expression en arabe qui est utilisée pour montrer à quel point la personne est terrifiée et terrorisée. Le professeur Asselam était terrifié de ce qu'il a vu et est rentré chez lui en demandant à sa famille de le recouvrir. Puis Jibril est venu et lui a dit « Lis ». Le professeur Asselam a dit « Je ne fais pas partie de ceux qui lisent » car le professeur Asselam était analphabète. Il ne savait ni lire ni écrire sallallahu alayhi wa sallam. Jibril alayhi salam l'a alors serré et recouvert hatta balagha minhu al-jahd, jusqu'à l'extrême, point que le professeur sallam pensait qu'il allait mourir. Puis Allah azza wa jal a raffermi le cœur de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la révélation n'a cessé de descendre au fur et à mesure jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait atteint un niveau jamais atteint par les autres prophètes. Puis Cheikh Oussad dit « Gloire à Allah, comme est immense la différence entre le début de la prophétie et la fin de celle-ci. » Pour cela qu'Allah Azza wa Jal s'est adressé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam par cette caractéristique ou par cette description qui décrivait le prophète sallallahu alayhi wa sallam au début de la révélation. Allah Azza wa Jal lui a ordonné de faire des adorations, puis il lui a ordonné de patienter face au mal qu'il subira de ses ennemis. Puis Allah Azza wa Jal lui a ordonné de proclamer son commandement et d'appeler Allah ouvertement. Allah Azza wa Jal lui a ici ordonné d'accomplir l'adoration la plus noble qui est la prière. Et il lui a ordonné de l'accomplir dans le meilleur moment qui est la prière de nuit. ثم قال رحمه الله ومن رحمته تعالى أنه لم يأمره بقيام الليل كله بل قال قم الليل إلا قليلا ثم قدر ذلك فقال نصفه أو انقص منه أي من النصف قليلا بأن يكون الثلث ونحوه أو زد عليه أي على النصف فيكون الثلثين ونحوها ورتل القرآن ترتيلا فإن ترتيل القرآن به يحصل التدبر والتفكر وتحريك القلوب به والتعبد بآياته والتهيؤ والاستعداد التام له ثم قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا أي نوحي إليك هذا القرآن الثقيل أي العظمة معانيه الجليلة أوصافه وما كان بهذا الوصف حقيق أن يتهيأ له ويرتل ويتفكر فيما يشتمل عليه ثم ذكر الحكمة في أمره بقيام الليل فقال إن ناشئة الليل أي الصلاة فيه بعد النوم هي أشد وطئا وأقوم قيلا أي أقرب إلى تحصيل مقصود القرآن يتواطأ على القرآن القلب واللسان وتقل الشواغل ويفهم ما يقول ويستقيم له أمره وهذا بخلاف النهار فإنه لا يحصل به هذا المقصود ولهذا قال إن لك في النهار سبحا طويلا أي ترددا على حوائجك ومعاشك يوجب انشغال القلب وعدم تفرغه التفرغ التام واذكر اسم ربك شامل لأنواع الذكر كلها وتبتل إليه تبتيلا أي انقطع إلى الله تعالى فإن الانقطاع إلى الله والإنابة إليه هو الانفصال بالقلب عن الخلائق والاتصاف بمحبة الله وكل ما يقرب إليه ويدني من رضاه. Fildi rahimahullah et fait partie de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il n'est pas ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de prier toute la nuit. Mais il a dit « قُمْ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا » « Lève-toi pour prier toute la nuit, excepté une petite partie. » Puis Allah Azza wa Jal a donné la quantité de celle-ci en disant « نِصْفَهُ أَوْ انْقُسْ مِنْهُ » sa moitié, c'est-à-dire de la nuit, ou un peu moins, c'est-à-dire de la moitié. « أَوْ انْقُسْ مِنْهُ قَلِيلًا » de telle sorte que tu pries le tiers. Car en dessous de la moitié, il y a le tiers. Où le tiers est moindre que la moitié. Et Allah Azza wa Jal dit « Aw zid alayh » ou un peu plus. « Aw zid alayh » c'est-à-dire un peu plus que la moitié. Afin de prier les deux tiers ou similaires. Et les deux tiers sont supérieurs à la moitié. ورتل القرآن ترتيلا et récite le Coran lentement et clairement. Car dans la lecture lente et claire du Coran, eh bien, réside la méditation et la réflexion. Et le cœur est atteint. Ainsi, ce lecteur adore Allah à travers ses versets et s'y consacre entièrement. فَإِنَّهُ قَالَ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا car Allah Azza wa Jalla a dit « Nous allons te révéler des paroles lourdes ». C'est-à-dire que nous allons te révéler ce Coran qui est lourd, c'est-à-dire dont les sens sont immenses. Un Coran qui a de nobles caractéristiques. Et le Coran étant caractérisé par cela, eh bien, il mérite que l'on se consacre à lui et qu'on le lise clairement et lentement. Afin de méditer sur ce qu'il comporte comme sens. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a cité la sagesse du fait qu'il est ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de prier la nuit. Lorsqu'il a dit inna nashi'at al-layl, la prière pendant la nuit, c'est-à-dire la prière qui est faite après le sommeil. Donc de dormir une partie de la nuit, puis de se réveiller et de prier. Cette prière est la plus efficace et la plus propice pour la récitation. C'est-à-dire que c'est cette prière qui permet de mieux bénéficier du Coran et de faire en sorte que Le Coran agisse sur le cœur et sur la langue. Et c'est dans ces moments que les occupations sont les moindres. Et c'est à ce moment que la personne comprendra le mieux ce qu'elle dit, et ainsi elle pourra se conformer à ses commandements. Et ceci contrairement à la journée, car dans la journée, l'on ne peut bénéficier de toutes ces choses. Pour cela qu'Allah Azza wa Jalla a dit « Inna laka fin nahari sabhan tawila » Tu as dans la journée à vaquer à de longues occupations. Des occupations concernant tes affaires, ta vie, qui amènent à occuper le cœur et à ne pas se consacrer entièrement au Coran. وَذْكُرْ إِسْمَ رَبِّكَ Et évoque le nom de ton Seigneur. Ceci englobe l'ensemble des formes d'évocation. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبَتِيلًا Et consacre-toi totalement à lui. C'est-à-dire, consacre-toi entièrement à Allah. Et le fait de se consacrer entièrement à Allah et de revenir vers lui, c'est-à-dire de se déconnecter, de déconnecter le cœur des créatures et d'accourir vers ce qui se rapproche, vers ce qui rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa satisfaction. ثم قال رب المشرق والمغرب هذا اسم جنس يشمل المشارق والمغارب كلها فهو تعالى رب المشارق والمغارب وما يكون فيها من الأنوار وما هي مصلحة له من العالم العلوي والسفلي فهو رب كل شيء وخالقه ومدبره فهو رب كل شيء وخالقه ومدبره لا إله إلا هو أي لا معبود إلا وجهه الأعلى الذي يستحق أن يخص بالمحبة والتعظيم والإجلال والتكريم ولهذا قال فاتخذه وكيلا أي حافظا مدبرا لأمورك كلها فلما أمره الله بالصلاة خصوصا وبالذكر عموما وذلك يحصل للعبد ملكة قوية في تحمل الأثقال وفعل الثقيل من الأعمال أمره بالصبر على ما يقول فيه المعاندون له ويسبونه ويسبون ما جاء به وأن يمضي على أمر الله لا يصده عنه صاد ولا يرده راد وأن يهجرهم هجرا جميلا وهو الهجر حيث اقتضت المصلحة الهجر الهجر الذي لا أذية فيه فيقابلهم بالهجر والإعراض عنهم وعن أقوالهم التي تؤذيه وأمره بجدالهم بالتي هي أحسن وذرني والمكذبين أي اتركني وإياهم فسأنتقم منهم وإن أمهلتهم فلا أهملهم وقوله أولي النعمة أي أصحاب النعمة والغنى الذين طغوا حين وسع الله عليهم من رزقه وأمدهم من فضله كما قال تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى ثم توعدهم بما عنده من العقاب Le Seigneur du levant et du couchant. Ceci est un nom qui montre le genre et donc qui englobe tous les levants et tous les couchants. Allah Azza wa Jal est donc le Seigneur des levants et des couchants et de tout ce qu'ils contiennent comme lumière et ceux pour qui ces levants et ces couchants sont un bénéfice que cela fasse partie du monde de cette vie d'ici-bas, de la terre ou des cieux. Ainsi, Allah Azza wa Jal est le Seigneur de toutes choses, le Créateur de toutes choses et l'Administrateur de toutes choses. Donc lorsqu'Allah Azzawajal dit Rabbul Mashriqi wal Maghrib, le Seigneur du levant et du couchant, cela englobe l'ensemble des créatures. La ilaha illahu, nul ne mérite d'être adoré en dehors de lui. C'est-à-dire que seul lui, le Très-Haut, subhanahu wa ta'ala, mérite d'être adoré. Celui qui mérite seul que l'on l'aime et que l'on l'immensifie, subhanahu wa ta'ala. Pour cela qu'Allah Azza wa Jal dit, فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا, prends-le donc comme protecteur. C'est-à-dire, celui qui te protège et celui qui administre l'ensemble de tes situations. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de prier de façon spécifique et d'évoquer son nom subhanahu wa ta'ala de façon générale, et cela car ces deux choses permettent aux serviteurs d'acquérir une force qui va lui permettre de surmonter et de porter des choses lourdes et de mettre en pratique des actes qui sont importants et lourds en conséquence. Allah Azza wa Jal lui a ensuite ordonné de patienter sur ce que diront ses détracteurs et les insultes auxquelles il aura à faire face. Ils l'insulteront lui, c'est-à-dire sa personne, sallallahu alayhi wa sallam, mais également ils insulteront ce avec quoi il est venu, qui est le Qur'an. Ainsi Allah Azza wa Jal ordonne à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de patienter face à tout cela et de persister dans le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que nul ne doit l'en détourner et nul ne doit le détourner de cela. Et Allah Azza wa Jal lui ordonne également de s'écarter d'eux d'une façon convenable. C'est-à-dire de s'écarter d'eux au moment où le mieux est de s'écarter d'eux et de répondre à leurs insultes et à leurs attaques par le fait de s'éloigner d'eux et de les éviter. وَأَمَرَهُ بِجِدَالِهِمْ بِلَّتِهِ أَحْسَنُ. Allah Azza wa Jal lui a également ordonné de polémiquer avec eux de la meilleure des façons. Puis Allah Azza wa Jal dit وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ, et laisse-moi avec ceux qui crient au mensonge. C'est-à-dire, laisse-moi et eux. Je me vengerai d'eux. Et si je leur accorde un délai, je ne les oublierai pas. وَقَوْلُهُ أُولِي النِّعْمَةِ. Ceux qui vivent dans l'aisance. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النِّعْمَةِ. Laisse-moi et ceux qui créent au mensonge. Qui étaient ceux qui créent au mensonge? Ceux qui vivaient dans l'aisance. C'est-à-dire ceux dont Allah Azza wa Jal a comblé de bienfaits et à qui Allah Azza wa Jal a accordé de la richesse. Ceux qui ont... qui se sont rebellés lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a élargi leur pourvoyance. Comme il dit Azza wa Jal dans l'autre verset de Sourate Al-Alaq, les versets 6 et 7, vraiment l'homme devient rebelle dès qu'il estime qu'il peut se suffire à lui-même. Puis Allah subhanahu wa ta'ala les a menacés d'un immense châtiment, et ceci on l'expliquera inshallah ta'ala lors du cours suivant jeudi bi'idhnillah tabaraka wa ta'ala. On aktafi bihada al-qadr. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.